Jésus, esclavage pour dette, inégalité sociale. Athènes en taille, Athènes de taille. Une nouvelle classe urbaine émerge et conteste que les pauvres conservent ce que les nobles conservent. La démocratie jaille, la démocratie jaille. Le pouvoir au peuple ne lui appartient plus. En France, il est parti dans les partis. Bien réparti, véhicule l'empathie. On joue dans leur partie et la terre en pâtit. On est devenu le problème. En fait, on est la solution. Pendant qu'on les juge, ils nous perdent. Ne font que s'adapter à l'opinion. Aux yeux, un véritable spectacle de magie. Ils ont l'idée, nous avançons. Le jeu se nomme démocratie. On retire notre socle, oui, on retire notre socle. Même si le cube est jeté, si on retire notre socle, ne pas s'éloigner des autres. Renverse les règles de l'échec. La terre que j'ai foulée enfant est celle que je défendrai tout le temps. Malgré ses défauts, je la porte dans le sang. Je parle de la France au sens large. Un pays en couleur chargé d'histoire. Ne laissons pas les politiques à ramener leurs idées noires. Et quand elles me déçoivent, je me barre en voyage voir d'autres territoires et paysages. Là où le partage règne, on ne se pose plus de questions. Les gens quittent leur terre pour des réponses. J'ai eu affaire à des gars sympas, fuyant une dictature d'un autre âge. La démocratie, ils ne la connaissent pas. Les lois sont dictées par les rois. Ils fassent des lois parfois dans la vue d'un seul point de vue. On ne peut pas tout voir. Démocratie, même quand les manifs n'exercent plus aucun contre-pouvoir. Bosser, atteindre les sommets. Je médite pour ceux qui m'ont sauvé. Le vaisseau français est offensé. La liberté d'expression pour ces jeux d'eau. Liberté, égalité, fraternité. Comment ça se fait que certains se sentent pas intégrés? Il faut de tout, un peu de chacun. Même les chacals se trouvent des catins. On n'est plus victime quand on passe à l'action. La clé se trouve dans le pardon. Puisqu'on est né dans un pays en démocratie. Puisqu'on est né dans un pays. Autoriser. Ce qu'on peut faire aux femmes en toute égalité. Et l'égalité n'est pas la même pour tous. Elle dépend du sang, de nos ou d'une bourse. Ah, et moi blasé de nos lois, de nos droits. Je ne porte pas de croix ni de poids. La France a son histoire et je ne m'en bats pas. Quand je veux la quitter, elle me dit t'en vas pas. Un ancien concept créé pour souder nos liens. Prétexte pour qu'on se tienne la main. Le genou toujours posé. Contrôler nos liens, nourrir la peur de son prochain. Exprime, il faut que ça sorte. Exprime-toi, il faut que ça sorte. Ce joli mot, il vient le bafouer. Si tu prends la parole, fais en sorte de faire retentir tes notes de manière propre.